Une autre émission de Web Musique. Mon nom est Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. Cette semaine encore, plein de bonne musique gratuite. Cette semaine, je filais un peu punk, un peu dance. Donc, j'ai un peu de musique dans ce style-là pour vous. Un peu de no wave aussi. Puis, en fin d'émission, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais vous faire passer. J'ai pas eu beaucoup de temps de préparation aujourd'hui. Donc, on va vous trouver de la bonne musique gratuite. Musique gratuite que vous pouvez télécharger sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, allez faire un tour et télécharger les pièces que vous entendez. Si vous voulez me rejoindre durant l'émission, vous pouvez me rejoindre au 418-640-1586 ou par courriel à webmusique@gmail.com ou via le compte Twitter de l'émission. Donc, cette semaine, on va commencer avec un groupe de la ville de Montréal qui s'appelle Swamp Sex Robots. Je vous fais passer la pièce Panic Attack. Ensuite de ça, un groupe d'un nom que j'adore, Microwave with Marge. Je vous fais passer la pièce Mary was Hermaphrodite. Donc, on va débuter l'émission avec ça, avec Swamp Sex Robots. Yeah. De l'Italie, c'était Microwave with Marge, la pièce Mary was Hermaphrodite. C'était donc un excellent band à tendance, on pourrait dire dance punk. Avant ça, de Montréal, c'était Swamp Sex Robots avec la pièce Panic Attack. On va poursuivre l'émission Web Musique avec El Cid. La pièce s'appelle It Must Be Nice Having a Father Version 2.0. Ensuite de ça, le groupe avec le nom assez inspirant Prison Dance School. La pièce s'appelle Professor Zorder. Deux pièces assez excellentes. de la ville de Ufa en Russie. C'était Prison Dance School avec leur pièce Professor Zorder, une pièce que j'ai trouvée sur SoundCloud. SoundCloud, c'est une plateforme qui permet de partager la musique. Vous pouvez avoir des téléchargements gratuits. Vous avez aussi, vous pouvez vendre votre musique donc à partir de la plateforme, une plateforme assez intéressante. Vous pouvez ajouter des commentaires directement sur les pièces. Donc, une plateforme vraiment intéressante pour diffuser la musique. Avant cette pièce-là, c'était El Cid avec la pièce It Must Be Nice Having a Father version 2.0. Donc, on va poursuivre Web Music avec un groupe de l'Écosse qui s'appelle The Hype. La pièce s'appelle Panic, une pièce vraiment excellente. Je pense que c'est ma pièce de la semaine. Ensuite de ça, paru sur Serious Business Records, le groupe new-yorkais The Unsacred Arts avec la pièce Somewhere Deep in New York City. Donc, pour tout de suite, à Web Music, on écoute The Hype. We'll be right back.

De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Si vous avez manqué la première demi-heure de l'émission, ben vous pourrez toujours télécharger l'émission qui est disponible en balado-diffusion. Donc, ça va être disponible un peu plus tard ce soir. Vous allez pouvoir réécouter l'émission complète. Puis, il y a toutes les autres émissions passées aussi qui sont disponibles en podcast. Donc, vous pouvez écouter l'émission quand bon vous semble. Pour ça, ben vous vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Nous, ben, on va poursuivre avec un groupe qui vient des États-Unis qui s'appelle Yaputma Sound System. Je vous fais passer la pièce « Through the Space ». Ensuite de ça, un groupe qui vient de Jakarta en Indonésie qui s'appelle « The Upstairs ». C'est publié sur Yes No Wave. Donc, la pièce s'appelle « Kampuang Nan Jong Dimato ». C'est en indonésien, excusez-moi. Donc, ben, c'est ça pour tout de suite à Web Music. On écoute Yaputma Sound System. We'll be right back. C'était The Upstairs à Web Music, un groupe qui vient de Jakarta en Indonésie. C'était la pièce Kampuang Nan Jong Dimato. Avant ça, c'était Yaputma Sound System, un groupe qui vient des États-Unis. C'était leur pièce Through the Space. Pour poursuivre Web Music, j'ai décidé de m'offrir deux pièces de l'excellent groupe montréalais Noia. Il donne un peu dans le punk 8 bits. C'est un groupe qu'il faut absolument voir live avec des projections en arrière d'eux autres. C'est un groupe vraiment excellent live. Donc, je vous fais passer deux pièces de leur album éponyme. La première pièce s'appelle Spastic. La seconde s'appelle Mapache. Donc, à Web Music, on écoute Noia. We'll be right back. peu de musique 8 bits à l'émission Ouais Musique. Il s'agissait du duo montréalais Noia. C'était la pièce Mapache. Avant ça, c'était la pièce Spastic, deux pièces tirées de leur album éponyme. Donc, un groupe, comme je vous disais tantôt, qu'il faut absolument voir live. Pour poursuivre l'émission, je vous propose une pièce du groupe qui vient de Vancouver, You Say Party, We Say Die. Donc, c'est la pièce Opportunity. On écoute ça tout de suite. Donc, c'était une pièce de You Say Party, We Say Die, la pièce Opportunity. On va se quitter sur une dernière pièce de Land of Talk. Donc, c'est le Dr Franco qui s'en vient tout de suite après. Je vous invite à revenir la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission de Web Music. Yeah.